Donc, la vanine, on a bêti déjà. On a bêti par 20 et quelques. Pour aller faire là, sans plus tarder, tu continues à 100. À qui? Si vous voulez que ça va pas, vous êtes en train de vous continuer à l'aimer. La moitié de temps, tu es en train de vous. Faka faka sian Rama Ramazani Pascal Kalambay Il faut de plus Na retombe na memere Et pourtant cette fois-ci Na kanaki na sala moins fort Ya kwa sosi va sala nzambe Que so de plus de te teni Pona soya sukaya ko salanga mabete Il faut de plus na retombe na memere Et pourtant cette fois-ci na kanaki na sala moins fort Ya kwa sosi va sala nzambe que so de plus de te teni Pona soya sukaya ko salanga mabete Sambe ye mei moto tsena mabuku akovo Eska se trompa ki Na mi ukili mawa Bolingo dungwa nefe Twista ki totale ma Kenango Omoni sikoyo nengo komo salangai Soki osate na mesa na zoko koli ate Soki na moni yote na soko kula lati Mili nangu E bolingo bangabo Ma sola na retombe na memere Et pourtant cette fois-ci na kanaki na sala moins fort Ya kwa sosi va sala nzambe que so de plus de te teni Pona soya sukaya ko salanga mabete Me na bituni Soki nzambe ye mei moto tsena mabuku ma sola Eska se trompa ki Na miyo ke limawa Bolingo dungwa nefesti saki totale ma Oye kenango Omoni sikoyo nengo komo salangai Soki ozate na mesa na zoko koli ate Soki na moni yoti na suku kula la ti E bolingo bangambo Soki arrive nkana beli bongo e Eko sala sana mabuku ako voe Sasi daria pobenga milas Poku vuma sula yende pupi antima e Soki ende se katrenga na kyole Eko sala sana mabuku ama sola e Yemutu atirikli fosunanga ya kokanisa e Aperti piba risu ya moturanga e Chabe bomi problem So se mo kote le kilo le mono ne lengi Yako shipe Kama sutra Yako kare senga Mama e Yako bini saka ye Namiko Bukwa kofungo la koto na chabe bomi problem So se mo kote le kilo le mono ne lengi Yakoshite Kama sutra Subisa na kitangu tu salakia solo lae Subisa na kitangu tu salakia kose Dudwe Misa Sparta bako Nese makia di papa na Jonathan Diatabao Eritye Sambol honorable Jean-Jacques Motoale, honorable Pichu Bolingue. Souvi, sala qui t'a goûté, sala qui on s'en va. Bembe du moto, sala qui t'a kakabi. Maloba kamere, sala kanamatoui. Il faut le quitter, même si c'est amour. Brunel. Je suis très content. Avant ma libale, à son nom la balle, Baya makabu sali minene, Franco abile la kina Amerika wo, Firigula pia bele lili pandae. Baya makabu sali minene, Franco abile la kina Amerika wo, Firigula pia bele lili pandae. Balo bile kabu saya kama sutra o. Sanga bombe, mobali ambambala mpambala, mokolo kosanganga okoyebate keba. Quand je chanterai comme je pleure, je pleurerai comme je chante. Na kifu te boni mona sima, ifaba kebe chete ma. Boni kwe solo pasi la mote ma, papa caprice. Na luki nanga mosika teo, na luki bebedi. Milo la la la la lobi, milo la la la la lobi. Quiero le valer como más sola es. Si me puede. Je suis la mía ser. Mantua y amba. Papa Melina es. Virginie Mangamba. Si te fue pas jusqu'à ça. Voilà mes dix chéris. L'amour est. Si ne pas ser. Je t'aime frère, car c'est pas chérie dans la fin. Salut. Yako kare senga ye Yako bili sanga ye Na bika Pukwa po fungo la poto na chabe ko mi problem Sase moko tele kilo le mono neki Yako shipe La jolie. Merci. Merci. Merci.